Deuxième livre des Rois, chapitre 9. Alors Élisée le prophète appela un d'entre les fils des prophètes, et lui dit, « Trousse tes reins, et prends cette fiole d'huile en ta main, et t'en va à Ramoth de Galaad. Quand tu y seras entré, regarde où sera Jéhu fils de Josaphat, fils de Nimsi, et y entre, et l'ayant fait lever d'entre ses frères, tu le feras entrer dans quelque chambre secrète. Puis tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête, et tu diras, ainsi a dit l'Éternel, je t'ai oint pour être roi sur Israël. Après quoi tu ouvriras la porte, tu t'enfuiras, et tu ne t'arrêteras point. Ainsi ce jeune homme, qui était le serviteur du prophète, s'en alla à Ramoth de Galaad. Et quand il y fut entré, voici, les capitaines de l'armée étaient là assis, et il dit, capitaine, j'ai à parler à toi. Et Jéhu répondit, à qui de nous tous parles-tu? Et il dit, à toi, capitaine. Alors Jéhu se leva, et entra dans la maison, et le jeune homme lui versa l'huile sur la tête, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour être roi sur le peuple de l'Éternel, c'est-à-dire sur Israël. Et tu frapperas la maison d'Achab ton seigneur, car je ferai vengeance du sang de mes serviteurs les prophètes, et du sang de tous les serviteurs de l'Éternel, en le redemandant de la main d'Isobel. Et toute la maison d'Achab périra, et je retrancherai Achab depuis l'homme jusqu'à un chien, tant ce qui est serré que ce qui est délaissé en Israël. Et je mettrai la maison d'Achab au même état, que la maison de Jéroboam fils de Nébat, et la maison de Baasa, fils d'Aïja. Les chiens aussi mangeront Isobel au champ de Jisréel, et il n'y aura personne qui l'ensevelisse, après quoi il ouvrit la porte, et s'enfuit. Alors Jéhu sortit vers les serviteurs de son maître, et on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi cet insensé est-il venu vers toi? Et il leur répondit, vous connaissez l'homme, et ce qu'il sait dire. Mais ils dirent, ce n'est pas cela, déclare-nous-le maintenant. Et il répondit, il m'a dit telle et telle chose, il m'a dit, ainsi a dit l'Éternel, je t'ai oint pour être roi sur Israël. Alors ils se hâtèrent, et prirent chacun leurs vêtements, et les mirent sous lui au plus haut des degrés, et sonnèrent de la trompette, et dirent, Jéhu a été fait roi. Ainsi Jéhu fils de Josaphat, fils de Nimsi se ligua contre Joram. Or Joram avait muni Ramoth de Galaad, lui et tout Israël, de peur d'Hazaël roi de Syrie. Et le roi Joram s'en était retourné pour se faire panser à Jisréel des plaies, que les Syriens lui avaient faites, quand il combattit contre Hazaël roi de Syrie. Et Jéhu dit, si vous le trouvez bon, empêchons que personne ne sorte, ni n'échappe de la ville pour aller porter cette nouvelle à Jisréel. Alors Jéhu monta à cheval, et s'en alla à Jisréel, car Joram était là malade, et Achazia roi de Juda y était descendu pour visiter Joram. Or il y avait une sentinelle sur une tour à Jisréel, qui voyant venir la troupe de Jéhu dit, je vois une troupe de gens. Et Joram dit, prends un homme de cheval, et l'envoie au-devant d'eux, et qu'ils disent, y a-t-il paix? Et l'homme de cheval s'en alla au-devant de lui, et dit, ainsi dit le roi, y a-t-il paix? Et Jéhu répondit, qu'as-tu à faire de paix? Mets-toi derrière moi, et la sentinelle le rapporta, en disant, le messager est venu jusqu'à eux, et ils ne retournent point. Et il envoya un autre homme de cheval, qui vint à eux, et dit, ainsi a dit le roi, y a-t-il paix? Et Jéhu répondit, qu'as-tu à faire de paix? Mets-toi derrière moi. Et la sentinelle le rapporta, et dit, il est venu jusqu'à eux, et ils ne retournent point, mais la démarche est comme la démarche de Jéhu fils de Nimsi, car il marche avec furie. Alors Joram dit, qu'on attelle, et on attela son chariot. Ainsi Joram roi d'Israël, sortit avec Achazia roi de Juda, chacun dans son chariot, et ils allèrent pour rencontrer Jéhu, et ils le trouvèrent dans le champ de Naboth Jisréélite. Et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit, n'y a-t-il pas paix, Jéhu? Et Jéhu répondit, quelle paix, tandis que les paillardises de ta mère Isobel, et ses enchantements seront en si grand nombre? Alors Joram tourna sa main, et s'enfuit, et dit à Achazia, Achazia, nous sommes trompés. Et Jéhu empoigna l'arc à pleine main, et frappa Joram entre ses épaules, de sorte que la flèche sortait au travers de son cœur, et il tomba sur ses genoux dans son chariot. Et Jéhu dit à Bidkar son capitaine, prends-le, et le jette en quelque endroit du champ de Naboth Jisréélite, car souviens-toi que quand nous étions à cheval moi et toi, l'un près de l'autre, À la suite d'Achab son père, l'Éternel prononça cette charge contre lui, « Si je ne vis hier au soir le sang de Naboth, et le sang de ses fils, dit l'Éternel. Et si je ne te le rends dans ce champ-ci, dit l'Éternel, c'est pourquoi prends-le maintenant et le jette dans ce champ, suivant la parole de l'Éternel. » Or Achazia roi de Juda ayant vu cela, s'était enfui par le chemin de la maison du jardin, mais Jéhu l'avait poursuivi, et avait dit, « Frappez aussi celui-ci sur le chariot. » Ce fut dans la montée de Gur qui est auprès de Jiblam, puis il s'enfuit à Megiddo, et mourut là. Et ses serviteurs l'emmenèrent sur un chariot à Jérusalem, et l'ensevelirent dans son sépulcre avec ses pères, en la cité de David. Or l'onzième année de Joram fils d'Achab, Achazia avait commencé à régner sur Juda. Et Jéhu vint à Jisréel, et Isobel ayant appris que Jéhu venait, farda son visage, orna sa tête, et elle regardait par la fenêtre. Et comme Jéhu entrait dans la porte, elle dit, « En a-t-il bien pris à Zinri qui tua son seigneur ?» Et il leva sa tête vers la fenêtre, et dit, « Qui est ici de mes gens ?» Qui ? Alors deux ou trois des eunuques regardèrent vers lui. Et il leur dit, « Jetez-la en bas. » Et ils la jetèrent, de sorte qu'il rejaillit de son sang contre la muraille, et contre les chevaux, et il la foula aux pieds. Et étant entré, il mangea, et but, puis il dit, « Allez voir maintenant cette maudite-là, et l'ensevelissez, car elle est fille de roi. » Ils s'en allèrent donc pour l'ensevelir, mais ils n'y trouvèrent rien que le crâne, et les pieds, et les paumes des mains. Et étant retourné ils le lui rapportèrent, et il dit, « C'est la parole de l'Éternel, laquelle il avait proférée par le moyen de son serviteur Élie Thisbite, en disant, « Dans le champ de Jisréel les chiens mangeront la chair d'Isobel. Et la charogne d'Isobel sera comme du fumier sur le dessus du champ dans le champ de Jisréel, de sorte qu'on ne pourra point dire, « C'est ici Isobel. »